Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire de la laideur. Bon, est-ce que vous lisez... Bon, je vois que vous lisez tel quel. Je lis aussi Lichtenberg. Oui. Un très bel aphorisme de Lichtenberg. Si vous le voulez, je vous le donne. Allez-y, ben oui, j'ai... je vous le prête. Ben non, mais vous ne le donnez pas seulement à moi, vous le donnez aussi à quelques téléspectateurs. La laideur a ceci de supérieur à la beauté, c'est qu'elle dure. Serge Gainsbourg à l'émission de Bernard Pivot. Gainsbourg qui parle donc de laideur à Bernard Pivot. Gainsbourg qui va chanter aussi la laideur. Gainsbourg qui sera pourtant entouré des plus belles femmes, Bardot, Birkin, Bambou. Mais qu'est-ce donc que la laideur? Comment se compare laideur masculine et laideur féminine? Georges Vigarello, vous êtes auteur et philosophe, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Vous avez beaucoup écrit sur le corps, vous vous intéressez à ces questions de beauté, de laideur. Merci d'être avec nous, Monsieur Vigarello. À quand, au fait, remonte cette notion de laideur? Je pense qu'elle a un côté un peu intemporel, mais c'est vrai que l'intérêt pour la beauté renvoie immédiatement à ce qu'on considère comme étant son inverse, qui est la laideur. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est bien Socrate. Socrate est toujours représenté comme, au fond, l'incarnation du lait. Ouais. Et en même temps, écoutez, franchement, c'est quelqu'un qui est parvenu à séduire fortement, une relation avec Alcibiade, etc. Bon, avec Alexandre. Donc cette contradiction-là, parce voilà, que je pense à Gainsbourg qu'on vient d'entendre, elle est là toujours. Mais je trouve ça magnifique, on est au cœur, effectivement, de ce qui apparaît comme une contradiction. Ouais. C'est moi, ce qu'il faut arriver à faire, et qui n'est pas du tout simple, c'est de dire, bon, quels sont les critères traditionnels à la laideur? Je pense que là encore, ils ont pu changer. Mais c'est vrai que un des critères premiers, c'est de porter le regard sur le visage et de s'attarder au fait que ce visage, il ne répond pas à ce qui est attendu comme étant symétrique, comme étant harmonieux. Et à l'arrière-plan, il y a quelque chose qui peut porter sur le fait qu'il puisse faire peur. Parce que à l'arrière-plan, il y a aussi quelque chose qui est dans la maladie. Il y a quelque chose qui est dans la mort. Je pense en particulier, vous voyez, à ces morts terribles qui sont succédées pendant des décennies et des décennies, qui sont des morts que l'on connaît aujourd'hui, mais qui sont succédées, je pense, à la phtisie. Et la maigreur obsède les périodes anciennes, parce que elle représente quelque chose précisément qui est de l'ordre du phtisique qui peut mourir, avec les os qui apparaissent sur la peau. Et la peur passe aussi par cette idée selon laquelle il y a du possible malfaisant dans celui qui ne répond pas aux critères de beauté, d'où la sorcière. Qui est une figure importante. Figure très importante. Donc elle inquiète parce que précisément, avec son nez crochu, ses os qui apparaissent immédiatement. Et alors, vous savez, c'est en fait important parce que, par exemple, dans la définition, historiquement je veux dire, parce que dans la définition de la nourrice, celle qui doit s'occuper de l'enfant parce que c'est elle qui peut donner le sein, etc., par rapport à la mère. Et il y a des textes, je dirais, répétés qui portent sur comment choisir la nourrice. La première chose, c'est ne choisissez pas une laide, parce qu'elle peut faire peur aux enfants. Ouais. Vous voyez ? Et parce que la laide, elle peut aussi porter un mauvais sang. Elle a un sang qui peut être vicié, parce qu'elle a des humeurs qui ne correspondent pas à ce que l'on peut attendre. Et on est proche de la sorcière, puis on y reviendra, mais un tout petit mot, parce que vous parliez de la maigreur, qu'on peut associer à la maladie, à la laideur. C'est cela. Le trop de chair, l'obésité, est-ce que c'est aussi, dans l'histoire, un signe de laideur? Alors, c'est une question qui ne... Pas l'enrobé. Oui, c'est pas l'enrobé, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, vous voyez. Si, mais à condition vraiment que ce soit le très gros. Ouais. À condition que ce soit celui qui, au fond, écrase il perd les formes, vous voyez. Il écrase par une redondance complète. Alors, il y a le critère que je trouve intéressant, j'en parlais dans une émission différente, qui est le fait d'aller à cheval. Par exemple, le noble. Le noble qui ne peut plus monter à cheval, qui est trop écrasé. À ce moment-là, oui, il est laid. Et il peut pas revendiquer quelque chose qui soit de l'ordre de l'attirance. Alors, vous parliez de la sorcière. Vous avez écrit, de fait, la préface d'un ouvrage de Claudine Sagarte, Une histoire de la laideur féminine. Elle dit, effectivement, cette figure de la sorcière est très associée à la laideur. Et elle dit surtout, d'abord, la laideur est surtout associée à la femme. Pourquoi? Alors, parce qu'on attend de la femme... Oui, question est fondamentale. Parce qu'on attend de la femme, dans la tradition, j'entends. On attend de la femme qu'elle attire. On attend de la femme qu'elle soit quelque chose qui puisse vous émouvoir sur le sens positif du terme, qui vous appelle en quelque sorte. Mais si elle vous repousse, c'est terrible, voyez. À ce moment-là, autant elle peut incarner la beauté, autant du coup, elle peut effectivement incarner la laideur. Mmh. Alors que l'homme, ça c'est aussi très important dans l'histoire, alors que l'homme, il peut être apprécié en ayant pourtant des traits de laideur. Mmh. Je pense à un exemple très parlant de Madame de Sévigné qui explique à sa fille que le duc un tel ou le comte, peu importe, s'est marié avec une des amies de la fille de Madame de Sévigné. Et elle dit, c'est quelqu'un de très méritant, même s'il a le teint plombé. Ouais. Le teint plombé, ça veut dire qu'il est allé, parce qu'il a, il a traversé un certain nombre de campagnes, sais-je, voyez, militaires, etc. Donc, et c'est pas aimé, le ton allé. C'est quelque chose qui est représenté comme le noir, c'est repoussant. Mais malgré ça, il a du prestige et il peut avoir de l'attirance. Ce qui n'est pas du tout le cas de la femme. Ouais. Si la femme est allée, c'est affreux. Ouais. Extrait de cette entrevue, donc, accordée en 1970 par l'auteure française Violette Leduc, qui parle de sa laideur, qui va parler aussi du vieillissement des femmes. Parce que si la sorcière qu'on évoquait est une des figures associées à la laideur féminine, la femme vieillissante est aussi une figure associée à la laideur féminine. Vous allez voir, c'est intéressant. Violette Leduc qui va d'aplomb en affrontant sa laideur. Violette Leduc, vous êtes très coquette, mais vous parlez sans cesse de ce que vous appelez votre laideur. Bah, je ne me fais pas plaisir quand je me regarde dans une glace, je me trouve pas aimable. Puis enfin, ça se calme, parce que justement, alors là, c'était pas temps de vieillir quand on est laid, parce que ça se calme, s'il y a un rire dans la rue, il est plus secondaire, s'il y a un haussement d'épaule, même par exemple si je m'habille trop court, c'est plus secondaire. Tout ça va s'affaissant et c'est presque désolant aussi. Mais je ne me trouverai jamais jolie, même quand je serai très vieille, puisque tout ça s'efface dans le miroir, je me verrai toujours laide. Et puis, il est certain que je suis laide. Et quand on est laid, on est tout de même voué à la solitude, à l'isolement. C'est très injuste, puisqu'il y a le reste. Mais les êtres, c'est d'abord l'extérieur qui compte, en général. Et le meilleur moyen de l'effacer, c'est de le faire connaître, cet extérieur. Ben oui, vous avez raison. Parce que d'abord, comme souvent je m'habille avec l'excentricité, j'impose davantage ma laideur. Et en même temps, c'est compliqué, je suis désolée de l'imposer, je suis désolée de me faire remarquer. Et pourtant, qu'est-ce que je cherche à me faire remarquer ? Alors, ça n'a plus de fin. C'est intéressant, ce qu'on vient d'entendre, Georges Vigarello. Cette manière d'abord, commençons par ça, cette manière d'affronter, de transcender presque sa laideur. Ah, c'est totalement intéressant. S'ajoute peut-être le fait que Violette Leduc, face à Jacques Chancel, dont je reconnais la voix, s'auto-définit comme laide. L'est-elle vraiment? Mm-hmm. Vous voyez? Il y a une manière, finalement, d'éprouver psychologiquement et personnellement. Parce que lui dit d'emblée, oui, vous êtes coquette, mais il lui dit pas vous êtes belle. Non, c'est vrai. Mais il y a quand même une manière, je dirais, de s'éprouver soi-même, qui peut être en distance par rapport à la façon dont vous êtes perçu. Donc il y a quand même cette dimension psychologique et personnelle. En revanche, pour revenir à votre question, je la trouve vraiment importante parce que c'est vrai qu'il y a une façon de réagir. Et en l'occurrence ici, elle affirme quelque chose que je trouve très intéressant, qui est, bon, je suis peut-être laide, mais, vous voyez, mais je fais ça. Et je trouve que c'est très contemporain. C'est très contemporain parce que notre monde d'aujourd'hui donne plus de place à la façon dont le sujet s'affirme par rapport à la manière dont traditionnellement il pouvait le faire. Traditionnellement, il était beaucoup plus pris, en quelque sorte, dans le collectif, la façon dont il appartient à un groupe, la façon dont il doit répercuter les critères d'un groupe, etc. Par exemple, je sais pas, la bourgeoisie, le groupe social, bon, le quartier même, à la limite. Hein. Et aujourd'hui, au contraire, vous avez beaucoup plus de place qui est donnée, alors, à tort ou à raison, qui est donnée à la façon dont la personne elle-même peut affirmer, finalement, ce qu'elle est. Et au fond, transcender, pour revenir au mot que vous utilisez, transcender ce qui est dehors de l'apparence pour faire exister quelque chose qui est autre et qui est vraiment la présence du sujet. Mmh. Et je trouve que cela, Violette Leduc le dit très bien. Ouais. Et puis cet aspect dans ce même extrait du vieillissement, qui est une des deux figures, on a parlé de la sorcière, la femme vieillissante, qui est souvent associée, le vieillissement féminin, à la laideur féminine. C'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle, au fond, à contrario, Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, de fait? Elle dit « Je me sens, moi, femme laide, et je sens que ma laideur importe moins puisque je vieillis. » Mais on voit très bien que Gainsbourg dit la même chose. Autrement dit, la laideur est quelque chose qui peut traverser et qui n'est pas affecté, finalement, par la vieillesse, puisque la vieillesse vient se superposer à une laideur qui existe déjà. Mais c'est terrible en même temps, parce que ça confirme cette hantise qu'ont toutes les femmes, je pense. Cette hantise qu'ont toutes les femmes. Et en même temps, vous avez une tradition selon laquelle, tradition à mon avis un petit peu superficielle, selon laquelle on peut exprimer quelque chose du dedans et qui fait que même la vieillesse, vous voyez, la belle âme peut l'emporter sur la vieillesse. Mais dans la tradition, vous savez, il y a autre chose auquel on songe pas. Et qui est quand même affreux, c'est que qui a disparu en gros aujourd'hui, c'est que les visages des personnes, mettons du XVIe ou du XVIIe siècle, étaient totalement envahis par l'absence de dents. Les dents tombent très tôt. Ouais. Louis XIV, pour parler du XVIIe cette fois, est quelqu'un qui, à l'âge de 50, 60 ans, n'a plus de dents, ne peut pas manger de la viande, est obligé de manger des choses qui sont complètement liquides. Vous voyez, ça, on l'a complètement oublié. Ça transforme le visage. Et comment ? Vous avez, par exemple, Madame de Maintenon qui dit « Je peux parler moins bien aujourd'hui parce que j'ai plus de dents. Ouais. » Et puis, il y a un autre donné que l'on oublie complètement, qui a complètement disparu chez nous. Ce sont certaines maladies qui laissent des traces épouvantable sur le visage. Je pense à la variole. Ouais. La variole vous crée un visage qui vous transforme en tambour, disent certains auteurs, parce que elle creuse votre peau en multipliant, vous voyez, les trous, et vous ne reconnaissez pas. Je pense, par exemple, il y a des témoignages qui sont, de ce point de vue, historiquement passionnants. Vous avez des soldats qui partent de leur village, pimpants, jeunes, et qui reviennent marqués par la variole. Ouais. On ne les reconnaît pas. On ne les reconnaît pas. Donc ça, c'est complètement oublié. Ça prouve quand même que, je dirais, l'attention à soi, la préservation, la relation de la médecine, tout cela joue un rôle fondamental. Ouais. Et ça confirme que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, plus encore que pour la beauté, la laideur, elle est faciale d'abord et avant tout. Hein. Alors voilà. Mais je crois, alors elle est faciale, vous avez tout à fait raison, mais je crois que dans les périodes contemporaines, l'ensemble du corps est davantage pris en compte qu'il ne l'était. D'accord. Et la minceur en est un exemple. Ouais. Mais en même temps, l'harmonie du geste, vous voyez, la façon de pouvoir assumer quelque chose qui est de l'ordre de la finesse du corps, l'harmonie est beaucoup plus prise en compte qu'auparavant. La laideur en littérature, là, il y aurait 1000 exemples à donner. Évidemment, on pense à Quasimodo, à ce personnage de Victor Hugo. Puis on pense, évidemment, à Cyrano de Rostand, Cyrano de Bergerac. Vous avez un nez très grand. Très. C'est tout? Mais... Oh non. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'empitasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quelle enseigne! Alors, Cyrano, qu'en dire? Qu'est-ce que c'est énorme, cette pièce, ce personnage qui nous a tous, je pense, à un moment ou à un autre. On lit ça souvent assez jeune, à l'adolescence, où on cherche. Ça nous a tous marqué. Ça nous dit quoi sur la beauté, sur la laideur? Ça veut dire d'abord que comme le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire que ça se voit immédiatement. Et ça veut dire qu'il y a d'ailleurs des nez qui peuvent être très différents. Et ça veut dire souvent aussi que la chirurgie esthétique s'adresse de façon assez privilégiée lorsqu'il s'agit du visage, au problème du nez précisément. Ouais. Bon, mais ça veut dire autre chose, c'est que Cyrano, au-delà de tout cela, est quand même quelqu'un qui est parvenu à séduire, vous voyez, et ça on l'oublie. Autrement dit, là encore, il y a des démarches qui peuvent arriver, pour reprendre votre mot de tout à l'heure, à transcender les données physiques. Mais il triomphe à moitié, Cyrano, parce qu'au fond, ça nous dit quoi, Cyrano? Ça nous dit que l'esprit est supérieur à la beauté. Mais c'est quand même la beauté physique qui va triompher. Oui, vous avez raison. Il triomphe à moitié. Ouais. Mais non, c'est très vrai. Mais en même temps, il traduit quelque chose qui est l'ordre d'une force que l'on ne peut pas ne pas prendre en compte, voyez. À nouveau, donc, notre ami Serge Gainsbourg, qu'on entendait au début de l'émission, et qui, tiens, faisons-nous plaisir, écoutons-la, cette fameuse chanson qui a chanté aussi la laideur. Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller. Tu es ma petite Marilyn, moi je suis ton Miller, hein? Non, pas Arthur, plutôt Henri, spécialiste de hardcore. La beauté cachée, délai, on se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, on se voit sans délai, délai. Même musique, même reggae pour mon chien, que tout le monde trouvait si vilain. Ouf, toutou, c'est moi qui bois, c'est lui qui est mort d'une cirrhose. Peut-être était-ce par osmose, tellement qu'il buvait mes paroles. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai. Gainsbourg, qui, un peu comme Violette Leduc, Georges Vigarello, oui. qui s'habille de manière excentrique pour transcender sa laideur, qui veut, en chantant sa laideur, la laideur, conjurer la laideur. Oui, et qui en même temps la reconnaît, vous avez raison, très juste. Mais je trouve que ces cas sont importants à souligner, parce que ils renvoient à une donnée, alors précisément, qui montre la difficulté de parler du corps et de le décrire, qui renvoie à une donnée qui est la suivante. Il y a des individus qui, par leur seule présence, arrivent à imposer une sorte de conviction plus forte que d'autres. Mm-hmm. Je pense à un autre acteur qui est Depardieu. Mm-hmm. Depardieu est devenu d'une laideur absolument folle, et en même temps, il a une présence tout aussi folle. Et il s'impose, si vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de compensation, en fait, chercher à compenser l'ingratitude d'un visage ou la laideur. Ah, c'est certain, je pense que cela a une force très grande. Je pense effectivement qu'il y a une tentative de compensation. Mais je crois une fois encore que ce qui s'est produit dans ces années récentes, on en a déjà parlé, je voudrais y revenir et insister, ce qui se produit, c'est que l'obsession du visage est devenue moins forte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur un certain nombre de publicités, la présentation des personnes ne s'attarde plus forcément au visage. Et vous avez même parfois des publicités où le corps est coupé au niveau du visage et on ne voit que la silhouette. Mmh. Et ce qui veut dire, à mon avis, que les repères, en quelque sorte, physiques, d'attitude et de mobilité, de mouvement, sont devenus beaucoup plus nombreux. Et que ce qui pouvait être considéré comme repoussant, finalement, se fond dans un ensemble qui, lui, peut l'être moins. C'est quand même ce 20e siècle et ces publicités que vous évoquez, qui parfois, effectivement, ne représentent plus le visage, mais c'est quand même toute une industrie, toute une commercialisation. On est dans l'ère du être beau, être responsable de sa beauté ou de sa laideur. Et ça, chez les femmes, peut être un poids important à porter. Là, celle qui est belle est responsable de sa beauté, celle qui ne l'est pas en est responsable aussi. Non, ça, c'est évident, et vous avez tout à fait raison. C'est lié, d'ailleurs, à un horizon dont on n'a pas parlé, qui est, à mon avis tout à fait contemporain, qui est le suivant, c'est que les artifices pour se transformer sont beaucoup plus nombreux. Mmh. Et donc, si vous ne vous transformez pas, eh bien, vous êtes responsable du fait, vous voyez, l'imaginaire technique en quelque sorte, vous êtes responsable du fait que vous n'y êtes pas parvenu. Or, c'est vrai que parfois, c'est presque impossible de se transformer. Je pense qu'il y a des livres, de ce point de vue, magnifiques qui montrent, par exemple, des personnes, je ne veux pas donner de titre, mais qui montrent des personnes vraiment enrobées de graisse, qui font des efforts désespérés pour maigrir et qui n'y parviennent pas. Ouais. Et puis, autre contradiction, magnifique celle-là, c'est que ces personnes-là, je pense à un livre très précis, disent, mais après tout, quand j'étais vraiment totalement obèse, j'avais des activités qui me satisfaisaient. Je faisais, par exemple, des peintures, je faisais des textes, etc. C'était très beau. Et donc, pourquoi changerais-je? Vous voyez? Il y a ce nouveau paradoxe aussi, qu'on ne peut pas oublier, et qui est très important, qui montre que ces questions, on ne peut les envisager qu'en les complexifiant, et pas du tout en les simplifiant. Dernier extrait pour vous et pour nous tous qui écoutons cette émission, encore une fois, sur ce thème, Georges Vigarello, de la difficulté d'être laid, film de Bertrand Blier, Trop belle pour toi, réalisé en 89, vous entendrez, Gérard Depardieu et Josiane Balasco. Écoutez, c'est franchement délicieux. T'es complètement malade ou quoi? Tromper une femme comme ça avec une fille comme moi? Mais elle a tout, moi j'ai rien. Qu'est-ce que tu peux bien me prouver? Charme? Ouais, vraiment que j'en ai beaucoup. Mais tu peux pas me laisser tranquille? Tu vois pas que je suis sonnée là en ce moment? Ça m'attraque la beauté, figure-toi, ça fait mal. J'ai envie de te connaître. J'ai rien de mieux à montrer. Tout est là, t'as tout vu. Va surtout pas t'imaginer des trésors. Enfin, on a besoin d'être ensemble, tu comprends? Ensemble, même si c'est une connerie. Ah, c'est formidable cet extrait. Je rappelle aux auditeurs Depardieu, donc qui trompe Carole Bouquet avec Josiane Balasco. Mmh. Puis elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et cette phrase terrible, ça matraque la beauté, ça fait mal. Mais Balasco, dans ce type de réaction, est absolument sublime. Ouais. Parce qu'elle montre que finalement, il peut exister autre chose. Il peut exister autre chose qui a une force folle et qui n'est pas ce que l'on attend comme étant la beauté, précisément. Mmh. Qui peut renvoyer à l'aideur, mais qui est autre chose et qui, du coup, peut avoir aussi de l'attirance. Moi, je me souviens très bien d'un ami qui me disait, t'as écrit un livre sur la beauté, mais c'est une folie. Il fallait écrire un livre sur la laideur. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant. Mmh. Vous voyez? Est-ce qu'on a plus de difficultés par ailleurs à parler de la laideur que de la beauté? Oui. Ouais. Je pense. C'est encore un tabou? Tabou, je pense pas, mais c'est beaucoup plus difficile, effectivement, parce que ça échappe davantage, vous voyez, parce que ça renvoie plus à des données qui sont personnelles, singulières. Écoutez, bon, c'est un mystère. C'est un mystère, l'affaire Balasco. Elle est magnifique en même temps. Ouais. Est-ce qu'on aurait choisi, je serais un peu, pas très politiquement correct, mais est-ce qu'au fond, Josiane Balasco est pas une fausse laide? Est-ce qu'une vraie laide pourrait avoir une carrière comme celle de Balasco, est-ce qu'on donnerait à une vraie laide, entre guillemets, un rôle de laide? Mais je veux pas vous surprendre et je veux pas aller contre votre question. Mais il y a aussi cette question, qu'est-ce qu'une vraie laide? Oui. Vous voyez, qu'est-ce qu'une vraie laide? Et c'est très compliqué. Oui. Et voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'histoire où la laideur est plus difficilement vivable et davantage pointée du doigt? Lorsque les mariages sont des mariages arrangés, très curieusement, vous avez évidemment le fait que quelqu'un se marie avec une laide parce qu'il peut pas faire autrement, et finalement ça peut se passer, vous voyez. Dans certains cas, ça ne se passe pas du tout. Mmh. Bon, et ça m'a toujours frappé, parce que on voit bien qu'à ce moment-là, vous avez des décisions qui s'imposent et qui sont au-delà de ce qui pour nous apparaît absolument central, qui sont au-delà de l'affect et de la décision personnelle. Et malgré cela, on peut imaginer un couple qui finisse par s'organiser, fonctionner, etc. Donc vous voyez, quand vous me posez cette question, je réponds, ben oui, il y a des situations où, alors je vais utiliser une formule qui est évidemment simplissime, où la laideur est imposée. Mmh. Et malgré le fait qu'elle soit imposée, finalement, elle peut être acceptée et elle peut être adoptée. Georges Vigarello, toujours un plaisir, vraiment un grand, grand plaisir de vous recevoir, directeur d'études à l'École des hautes études de services en sciences sociales, plutôt, auteur de l'histoire de la beauté, de l'histoire de l'obésité du Moyen-Âge au 20e siècle, entre autres. Merci beaucoup, Monsieur Vigarello. C'est moi qui vous remercie. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Daniel Foucard et Mathieu Arsenault, à la technique Steve Côté. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes. Rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez nous suivre, nous écrire également sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.